Chapitre 139. La recommandation de saluer le groupe que l'on quitte. 869. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un d'entre vous se joint à un groupe de gens, qu'il les salue, et qu'il en fasse de même lorsqu'il veut les quitter. En effet, ils n'ont pas plus droit au premier salut qu'au second. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan.